Chapitre 5e. Tout en parlant, la jeune fille s'était levée. Appuyée au dossier de la bergère, elle parlait d'une voix saccadée, serrée. « Nous sommes Arméniens, monsieur. J'étais toute petite lorsque mes parents ont dû fuir. Nous étions à Kerasond, un port de la mer Noire. Des Kurdes, une nuit, envahirent la ville. Nous eûmes tout juste le temps de nous embarquer, mes parents et moi, sur un bateau grec, dont le capitaine nous vola tout le peu que nous avions emporté. Il nous débarqua à Constantinople, d'où nous gagnâmes Marseille. Ma mère mourut dans cette ville. C'était il y a 13 ans, j'étais encore enfant. Mon père m'emmena à Paris, ses affaires prospérèrent, mais il eut la malheureuse idée, il y a 2 ans, de prendre Monsieur Piébald comme associé. Monsieur Piébald est, paraît-il, un homme habile, mais trop entreprenant. C'est ce que j'ai entendu dire à mon père. Enfin, il prit de l'ascendant sur mon père. Il l'incita à se livrer à des opérations risquées. Mon père acheta des lots de perles par l'intermédiaire de Monsieur Piébald. Ces lots furent ensuite mal vendus. Mon père, les ayant acquis à crédit, n'avait pu attendre le moment favorable pour les réaliser. Il dut en vendre beaucoup à perte. Sa situation avait été complètement désespérée si Monsieur Piébald ne l'avait aidé. Seulement, Monsieur Piébald aida mon père à de très dures conditions. Mais je ne suis pas très au courant. Enfin, malgré cela, la situation commerciale de mon père empira. Il y a 1 an, mon père partit pour l'Amérique. Il revint après plusieurs mois de voyage. Avec des perles, fit l'interlocuteur de Sonia, qui écoutait debout, impassible. Je crois que oui. Et mon père n'était pas seul. Oh, je vous dis tout. J'ai confiance en vous. À quoi bon, d'ailleurs? Tout est bien fini pour nous. Peu importe ce. Laissez-moi seulement vous dire ceci, mademoiselle. Vous avez en moi un allié qui vous sauvera et qui sait ce qu'il dit. Je vous remercie, monsieur. Je continue. Mon père était accompagné d'autodrôle. Comment savez-vous? Oui, de monsieur Drôle. Monsieur Drôle vint souvent à la maison. Il paraissait inquiet. Puis son inquiétude se changea en fureur. Il eut une violente dispute avec monsieur Piébald. Je n'y assistai pas, mais j'entendis le lendemain mon père y faire allusion. Et monsieur Drôle ne vint plus à la maison. Mais notre vie devint un enfer. Monsieur Piébald ne cessait d'adresser à mon père des menaces voilées. Ce n'était plus un employé, c'était un associé, presque un maître. Mais à quoi bon vous raconter tout? Ce serait trop long. Monsieur Piébald demanda ma main à mon père. Mon père refusa. Moi aussi, je ne voulais pas. Mais 2 jours plus tard, ce fut mon père qui me conseilla d'accepter. Je refusai encore. Mon père insista et finit par m'avouer que si je repoussais monsieur Piébald, il était perdu. Nous étions perdus. Je voulus demander des explications, mais je vis 2 larmes couler des yeux de papa, et j'acceptai. Voilà. Il y a un secret entre monsieur Piébald et mon père. Mais je suis sûr, monsieur, je suis sûr que mon pauvre père est innocent. C'est monsieur Piébald qui est cause de tout. J'en suis persuadée, mademoiselle. Piébald est une canaille complète. Malheureusement, votre père est entre ses mains, et si vous le permettez, je vous dirai pourquoi. Vous devez d'ailleurs vous en douter. Et il vaut mieux que la situation soit claire entre nous. Cela me permettra d'agir et de joindre mes efforts aux vôtres. Connaissez-vous ce papier? Je l'ai enlevé. Il était dans le tiroir du bureau de monsieur Serpier, le chef de la sûreté, après être resté quelques jours chez un orientaliste, le professeur Heinemann. Monsieur Piébald a eu peur que le professeur Heinemann réussisse à déchiffrer ce papier. Il a essayé de l'assassiner en lui envoyant une lettre chargée de picrates de potasse. C'est le secrétaire du professeur Heinemann qui a écopé. Il a eu, je crois, les yeux crevés. Le papier est revenu à la sûreté. Naturellement, le professeur Heinemann avait fait simplement son métier d'orientaliste. Il avait déchiffré les signes hiéroglyphiques, lesquels n'avaient aucune signification. Je les ai déchiffrés, moi aussi. Or, ayant pensé que M. Autodrôle, sur qui a été trouvé le papier aux hiéroglyphes, et ses amis, n'avaient pas de temps à perdre pour s'amuser à faire des petits dessins sans signification, j'ai imaginé que les hiéroglyphes n'étaient là que pour distraire les imbéciles. J'ai donc fait subir au papier différents traitements chimiques. Et j'ai constaté que je ne m'étais pas trompé. Les hiéroglyphes étaient écrits à l'encre noire. Entre eux, j'ai fait apparaître d'autres signes, tracés en rouge à l'encre sympathique. Et j'ai ainsi été renseigné. L'inconnu traversa le vaste atelier et, ayant ouvert un petit meuble de boule, en retira un catalogue d'un grand magasin de nouveautés. Entre les pages duquel la feuille de papier jaune, qui avait tant intrigué M. Serpier, avait été placée. Voilà, fit l'inconnu, j'ai caché cette feuille dans le catalogue. Pour bien cacher les choses, il faut choisir des endroits où l'on ne pensera pas à les chercher. Regardez. Ce disant, l'interlocuteur de Sonia Argoulian tendit à la jeune fille la feuille de papier jaune. Sonia y lut ces mots. Teddy arrive sur Australian. Il a laissé les perles à Brisbane. Il n'y a plus rien à attendre de lui. Je lui parlerai. Le plus simple est de me laisser faire. V se doute de quelque chose. Il est capable de nous trahir. Peut-être serait-il prudent de partir. Réfléchissez bien. P. D. C'est très clair, n'est-ce pas, mademoiselle? Le sieur Piebald a voulu endormir la méfiance d'Autodrôle. Il lui a expliqué que Teddy arrivait sans les perles. Et il lui a conseillé de partir pour l'étranger. Et c'est sans doute parce qu'il n'est pas parti assez vite qu'il l'a tué. Résumons. Autodrôle, Teddy, et sans doute, je le crains, monsieur Argoulian, ont fait ce qu'il fallait pour s'emparer des perles de Carl Jacobsen. Ces perles, je pense que c'est Teddy qui les a. Je le pense parce que monsieur Argoulian ne les a pas, ni Autodrôle. Et Piebald, votre fiancé, sait tout cela. Il en profite pour tenir votre père à sa merci. En ce moment, votre père et Piebald sont ici en sûreté, incapables de nuire. Je vais partir pour éclaircir complètement tout cela. Il serait contraire à toute morale, n'est-ce pas, mademoiselle, que ces perles profitassent à ceux qui, pour les avoir, n'ont pas reculé devant les pires extrémités. Et aussi bien, j'adore les perles. Il paraît que celles-ci sont splendides. Je le verrai. Je compte vous laisser ici. Prisonnière aussi, fit Sonia avec un sourire amer. Oui, sur parole, mademoiselle, j'ai confiance en vous. Et qu'allez-vous faire de mon père, monsieur? Votre père, je ne sais pas. Je ne suis ni policier ni juge. J'ai besoin de quelques jours pendant lesquels je vais mettre au point cette affaire de perles. J'ignore ce qu'il en adviendra. Votre père et le sinistre Piebald me gêneraient. Vous me comprenez? Ils n'ont pas renoncé à leur dessein et sont prêts à tout pour réussir. Je ne veux pas avoir le sort d'Autodrôle. Si je vous demandais de libérer mon père tout de suite, murmura Sonia. Je vous refuserai net, mademoiselle. Et ai-je besoin de vous rappeler que M. Argoulian est en sécurité ici et qu'il est recherché par la police? On a trouvé et identifié le squelette d'Autodrôle dans le cabinet de travail de la villa d'Anguin. La police veut avoir des explications à ce sujet, et moi-même, je me demande pourquoi votre père a consenti à conserver ce squelette accusateur. Je pense que c'était pour montrer à Teddy. Oui, pour l'intimider. Je crois que c'était pour lui prouver qu'Autodrôle était bien mort. Il me semble que M. Piebald a dit quelque chose comme cela. Mais mon père, la jeune fille s'interrompit embarrassée. Vous voulez que je le libère, et après? Que ferez-vous? Je ne sais pas. Et Piebald? Pour toute réponse, Sonia Argoulian eut un long frisson. Il vous aime, n'est-ce pas? Fit l'inconnu dont la voix se fit presque âpre. Il veut se marier avec moi, mais je préférerais mourir, et ma résolution est prise depuis longtemps. Oui, il croit que par dévouement à votre père, vous consentirez à tout ce que vous devez, à tout, et que vous deviendrez sa femme en attendant d'être sa complice. Je vous ai fait sortir de là-bas. Pour rien au monde, je ne voudrais que vous puissiez croire à quelque obscure intention de ma part. Si vous consentez simplement à me donner votre parole, que vous ne révélerez à quiconque comment vous avez été délivré, et que vous ne ferez connaître à personne l'existence de cette maison, je suis prêt à vous laisser voir votre père et à vous rendre la liberté. Je vous fournirai un déguisement et des papiers, et vous avancerez une somme suffisante pour que vous soyez pendant un assez long temps à l'abri du besoin, et vous n'entendrez plus parler de moi. Vous ne savez d'ailleurs pas mon nom. Sonia Argoulian ne répondit pas. Elle regarda l'homme qui était devant elle. Jusqu'alors, malgré tout, elle avait vu en lui un adversaire, presque un ennemi, un juge. À présent, sa généreuse proposition la bouleversait. Elle ne savait plus que penser. Elle sentait l'inconnu, que l'inconnu était loyal, qu'il ne mentait pas, qu'il ne tenait qu'à être à elle d'être libre. Elle comprit soudain que cet homme qui venait de lui faire remarquer qu'elle ne connaissait même pas son nom, était son unique ami, le seul être à qui elle put se fier. « J'ai confiance en vous, monsieur, » dit-elle avec simplicité. « J'accepte d'être votre hôte. Je sais que je suis ici en sûreté complète. » L'inconnu s'inclina. « Je vous remercie, mademoiselle, » dit-il. « Mon nom est Xavier, monsieur Xavier, et ma personne a trop peu d'importance pour que j'en lasse une plus longue présentation, que j'en fasse une plus longue présentation. « Si vous le voulez bien, je vais vous faire conduire à votre chambre. Vous y trouverez tout ce qui peut vous être nécessaire. Et Antonia vous servira de femme de chambre. C'est ma vieille servante. » Ce disant, monsieur Xavier alla presser le bouton d'une sonnerie électrique. Une grosse négresse, coiffée d'un madras rouge, apparut presque aussitôt. « Voilà Antonia, » fit monsieur Xavier. « Elle est muette, mais non pas sourde. Elle a reçu dans le temps une balle de pistolet qui lui a traversé le crâne, latéralement, lui crevant les deux tympans. J'ai pu la guérir. Elle est habile et dévouée. Je vous attends ici, mademoiselle. Dès que vous serez prête, vous pourrez m'y rejoindre. Nous rendrons visite à monsieur Argoulian. » « Je vous remercie, monsieur, » murmura la jeune fille. Elle suivit la négresse et disparut avec elle derrière la porte. Monsieur Xavier se laissa tomber sur une chaise et alluma une cigarette à bout d'or. « La vie est drôle, après tout, » observa-t-il à mi-voix. Quelques minutes s'écoulèrent. Sans qu'il ait entendu rentrer, tant il était absorbé dans ses réflexions, Sonia Argoulian reparut. Elle avait simplement retiré la hideuse perruque qui la défigurait, s'était débarrassée de la vieille robe et du cache-nez qui lui avait servi à s'évader, et avait remplacé ses savates éculées contre des souliers en peau de daim, choisis parmi ceux mis à sa disposition. C'étaient ceux qui la chaussaient le mieux. Ainsi vêtue de la simple robe de soie crème qu'elle portait au moment de son arrestation, elle était plus belle que jamais. La gravité de son visage, l'éclat fiévreux de ses grands yeux noirs, le pli amer de ses lèvres, ajoutaient encore un charme à sa beauté étrange. « Ah, vous voilà, mademoiselle !» s'écria monsieur Xavier en sursautant. « Vous êtes... » Elle s'interrompit, domina son trouble et acheva. « Si vous voulez bien me suivre, nous allons rendre visite à monsieur Argoulian. »